Just him is on the way up. In my matter, he's way up in. In my matter, you know that Fred now is our drummer. God, he got the, he got the groove, he got the, God, he got a song, and he got a.

Thank you. Will I scream? Will I scream? All right, will I scream? Because I'm out, could I scream out? Will I scream? All right, will I scream? Later will I be drunk? I'm gonna scream when it won't be worse at all. I'm gonna scream when it would be too late. You know now, I'm gonna scream when it's gonna be up. When it's gonna be up. When it's gonna be up. When it's gonna be too late. When it's gonna be too, when it's gonna be too late. I'm gonna scream when everyone wants gonna to be out. I'm gonna to be bad. I'm gonna to cry. I'm gonna to be late. Fred on drums, Fred Gag. Next time you've really got to give us some more gain, because in my hand, in my home, you are at most, you are, I'm giving you more 13 plus 14. If you increase your sound now, I'm gonna be deaf, so please be careful, please. Don't get me deaf, but you can agree. You can increase, cause you're the boss. Drum is the boss. I'm loving it, I'm loving it. Arrêtez, gars, je suis qu'un bourré, je suis qu'un bourré. Je suis à la bourrée, je suis qu'un bourré, je suis qu'un drogué. Je suis à la bourrée. Fort, fort, fort, faut pas traîner. Faut rester bien devant, oui, tu sais. Fort, fort, fort, pas traîner. T'as vu comme je t'écoute, oui, tu vois. Je fais tous les efforts que je peux. J'y mets toute mon âme. Ça marche pas toujours, mais j'y mets toutes les âmes que je peux. Sincèrement, j'y mets mon âme. Est-ce que tu fais le même effort que moi? Est-ce que tu essaies de me rencontrer vraiment, tu vois? Moi j'y mets tout. J'y mets toute mon... J'y mets toute mon âme. Je suis prêt à changer de chanson. Des couleurs que tu me proposes. Autre chose. C'est l'or. Que tu me proposes autre chose, je m'engage à t'écouter, à essayer, à changer de chanson, à m'accorder. Chaque jour est différent et moi-même, je suis un autre connard tous les jours. Je fais ce que je peux. Un autre connard du jour, je me reconnais Et je m'aime quand même, tant pis. Un autre connard tous les jours qui fait rentrer. Mais mon mieux n'est pas le même. Le même n'est pas le mieux que je peux tous les jours. C'est pas le même le mieux. Juste un autre connard qui fait son. Qui se démène, mais même, mais don't get today garden, we have for day. Do go book a token, un connard qui se démène. Et c'est quand même tous les jours qui réessent, c'est quand même sans détour. Se fasse pas le jour, qu'il t'aimène, qu'il se voile pas la face contre le jour, qui t'emmène et qui t'aime sans détour. Alors que tu le malmènes, petite ch. Oh bah non. Et sans haine, sans laisse, sans retour. Thank you. chercher ma bière, j'ai pas eu le temps. Bon, bah c'est plus tard. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller chercher ma bière. Puis le temps, non, non, non. Je vous laisse vous chauffer. Je vous laisse vous chauffer maintenant. Laisse au moins 2-3 tours maintenant. Et ça dépend vraiment de mon collant. Est-ce que je l'ai bien fait mon collant? Est-ce que je l'ai mon collant? Est-ce que je l'ai bien fait mon collant? Mon collant, est-ce que je l'ai bien fait? Maybe it's enough. That don't mean it well enough. No, no, no, no. No, no, no. Dans sa main, l'aspiro qui fait tout et la vaisselle. Elle te reproche la vessive alors que t'es au boulot. C'est pas une boniche, putain, 2022. On est où? C'est pas simple. Toi-même, tu sais. Non? Bon, merci maman pour le linge. Moi je passe un bon moment, merci les copains. On va quand même changer le monde alors, d'accord, on rigole. Mais on va changer le monde en chantant des chansons comme ça. Parce que là c'est le moment où jamais, moi je peux pas faire grand chose d'autre. Si je peux toucher des gens. Parce que je suis une pute au quotidien. Et je suis déjà au lit, il y a un mois de réservation. Donc tu vois, je peux pas faire plus. Mais on peut chanter des chansons sur internet. Pour changer le monde, tu vois, c'est le moment où jamais. Tout à l'heure, j'ai renversé ma pierre, j'en ai sur ma chambre. Y en a plein par terre, et j'en ai pas quoi reprendre. Au moins un litre de bière. T'imagines pas la flaque de dingue. En plus, j'ai plus rien à boire presque. Derrière ton ordinateur chez toi, et tu te rends pas compte. Ça sent la sangria comme une quelconque fiesta d'ado, mais c'est la bière qui est là. Adieu, pourquoi ça sent comme ça? C'est de la crème blanche, c'est pour les mains. Et c'est bon, mais ça colle pas. Thank you. N'importe quoi. Je pars en live, alors je me lâche un peu, tu vois. Je suis anonyme, enfin je le crois. Caché derrière, mi-pied derrière, de quoi j'en ai rien à branler, tu sais où est-ce que je...